présenter. Je vais vous présenter Patrick Veil. Donc, je n'ai sans doute pas besoin de présenter, mais on va quand même vous en dire quelques mots. Donc, directeur de recherche au CNRS à Paris 1, Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Et puis donc, l'auteur reconnu que vous connaissez sur l'histoire de l'immigration en France, l'histoire de la nationalité, très prochainement sur l'histoire de la dénaturalisation, en particulier aux États-Unis, et qui est intervenu à plusieurs reprises également au cours des semaines et des mois récents sur les questions des politiques de la nationalité et des politiques de l'immigration, et avec lequel j'ai eu la chance de travailler comme assistant il y a maintenant une dizaine d'années. Donc voilà. Avec lequel tu as quand même co-dirigé un livre. Oui, non, bien sûr. Deux même, souviens-toi. Deux. On a signé deux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, deux. Il y en a un qui a eu un grand impact. Voilà, qui effectivement est encore été imprimé trois fois. Plusieurs reprises. Donc c'est toujours un plaisir en tout cas de recevoir Patrick qui est quand même beaucoup aux États-Unis, surtout récemment, et donc là qui nous fait la gentillesse d'intervenir ici. Et donc je vais tout de suite lui laisser la parole donc, pour nous présenter en fait un article qui va paraître dans un mois aux États-Unis dans une revue de droit constitutionnel. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'est toujours effectivement un plaisir qu'on se revoit. Toujours pareil avec une ville comme Paris, on n'est pas très loin, mais on est quand même beaucoup plus loin que si on était, comme je le suis maintenant régulièrement, à New Haven, où là, en un coup de vélo, on tout le monde. C'est pas le cas ici. Alors, ce que je vais vous dire un petit peu d'où vient cet article, parce que c'est assez intéressant, parce que certains d'entre vous sont en train d'écrire une thèse, et c'est toujours intéressant de voir comment on travaille, disons. Donc d'abord, j'ai quand même fait pendant 8 ans un travail qui aboutit à un ouvrage sur l'histoire de la nationalité française, qu'est-ce qu'un Français, sur la nationalité française depuis la Révolution, qui est un ouvrage fondé sur les archives. J'en ai tiré, j'ai aussi produit il y a quelques années un travail sur la comparaison de 25 droits, d'ailleurs Stéphane m'avait aidé sur ce travail, de 25 droits à la nationalité qui a eu un certain impact parce que justement, c'était une modélisation, si l'on peut dire, des différents droits à la nationalité, puisque vous savez qu'il y a une tradition d'opposer le droit du sang, le droit du sol, etc., et de comprendre comment ils changeaient. Je crois pas qu'il y ait eu de meilleur article sur le sujet depuis, parce que c'est vrai, parce que c'est assez rare de modéliser du droit et de sociaux d'ailleurs, enfin, et puis ça tient, le modèle tient, enfin je veux dire le truc tient là. Mais disons que ce travail-là, il est produit souvent. Moi j'ai mon premier, celui dont je parle, qu'est-ce qu'un Français, il est produit d'une réaction à la lecture de l'ouvrage de Rogers Brubaker, qui opposait la France ouverte, un pays qui est fondé sur le droit du sol, à l'Allemagne. Fondé sur le jus sanguinis, qui serait le type, l'idéal type d'une nation ethnique. Bon. Alors que la France est l'idéal type d'une nation civique. Et dans ce travail, j'avais montré que c'était la France qui avait inventé la filiation comme mécanisme d'attribution de la nationalité à la naissance, que l'Allemagne n'avait fait que copier, et que donc, il n'y avait pas de. Et que finalement, c'est la variable, si vous voulez, qui déterminait. L'évolution du droit de la nationalité n'était pas la conception de la nation, mais plutôt la perception de la situation migratoire, à partir du moment où il y avait des traditions juridiques qui pouvaient être différentes. La tradition française étant celle de la filiation, puisque nous l'inventons en 1803 avec le Code civil, et qu'elle reste toujours à la base, le premier critère d'attribution de la nationalité française, c'est la filiation. Et qu'elle se diffuse, ce mécanisme se diffuse en Europe, en Asie, en une partie de l'Afrique, et que, en revanche, reste la tradition britannique, fondée sur le droit du sol, qui, elle, va se diffuser dans toutes les colonies britanniques, évidemment l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande, et puis les pays qui sont en Europe sous l'influence britannique, le Danemark, le Portugal, bon. Voilà, j'y reviendrai. Alors, je dirais que cet article, il est le produit du même genre de choses. C'est-à-dire qu'il est le produit d'une réaction à des travaux avec lesquels je n'étais pas d'accord. Et je me suis dit, après tout, je crois que je peux peut-être faire mieux. Voilà. À force d'écouter des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, peut-être qu'il serait temps que j'écrive ma propre prose, en quelque sorte. Et c'est ça que je vais vous présenter. Donc ça s'inscrit, cet article un peu bâtard, parce qu'il a été, mais je l'assume, parce qu'il est à la fois un compte-rendu critique de travaux que vous avez peut-être déjà étudiés, ou que je vais vous mentionner, et en même temps une thèse. Alors, c'est un... Comment dire ? C'est un... Avant de démarrer... La citoyenneté, comme vous le savez, peut avoir différentes définitions. Celle que je vais, sur laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est le lien de l'individu à l'État. Ce qui fait que vous avez une carte d'identité, un passeport, qui vous rattache. Alors après, on va voir ce que ça veut dire, mais ça vous attache à un État, à des droits, des obligations. Voilà. Aujourd'hui, dans le monde, 99, il y a 12 millions d'apatrides, ils sont évalués à 12 millions, ça fait quand même une toute petite partie par rapport à 6 milliards, ça fait 0,2% de la population mondiale, ce qui veut dire qu'il y a 99,8% des êtres humains qui ont un lien juridique à un État. J'ajoute que pour les apatrides, ceux qui sont reconnus comme tels ont une protection. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de protection, c'est ceux qui ne sont pas, c'est les apatrides non reconnus comme tels. Quand on est apatride reconnu comme tel, j'y reviendrai à la conclusion de mon article, de ma présentation, on a plus parfois de protection qu'un double national. On y reviendra. Donc être apatride n'est pas être dénué de protection si on est reconnu comme tel, en droit, international. Alors vous avez... dans l'autre définition de la citoyenneté, la participation à la, on peut se sentir citoyen même dans une entreprise ou même en étant étranger, en étant mineur, etc. Et puis vous avez la dimension du lien affectif, c'est-à-dire qu'on peut, et ça c'est un autre sujet complètement que j'ai traité dans un petit texte récemment, qui a été publié sous le titre « Être français, les quatre piliers de la nationalité », mais on peut se sentir français sans l'être, et on peut être français sans se sentir français. Et c'est pareil pour argentin ou chilien, ou n'importe quoi. On peut être argentin sans se sentir argentin, mais en général, évidemment... ce n'est pas personnel. Mais en général, disons que souvent... Les gens qui sont se sentent un peu. Et même s'ils ne le croient pas, ils le réalisent à un moment de leur vie. Parce que, voilà, c'est un autre sujet. Hein. Franchement, qu'est-ce que c'est que de se sentir lié, etc. Renan a écrit que c'était un plébiscite de tous les jours. Moi, je crois que c'est plutôt de temps en temps. Hein, à l'occasion de la Coupe du Monde de foot, ou d'un tremblement de terre, ou d'une élection, ou d'une guerre, enfin voilà, c'est pas tous les jours. Mais c'est pas le sujet que je vais traiter. Ce que je vais dire aujourd'hui, je vais parler du lien de nationalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet a été l'objet, depuis 25 ans, de débats assez vifs au niveau académique. Les premiers types de débats ont porté sur des oppositions internes, structurantes, à l'intérieur de la nationalité et de la façon dont elle est construite, qui, selon leurs auteurs, reflétaient différentes identités nationales ou sens de la citoyenneté. Et je pense au débat donc Brubaker, par Brubaker, mais vous en avez un autre qui a été inspiré par Peter Schuck et Roger Smith, opposant la nationalité par ascription, c'est-à-dire par le fait que vous êtes né, vous avez une nationalité, vous n'avez pas choisi, et puis la nationalité par consentement, par choix, par contrat, etc. Et le second type de débat est né de ce que les auteurs qui l'ont lancé ont considéré, enfin, dont on peut considérer qu'ils pensaient que la nationalité était en crise comme lien d'affiliation. C'est-à-dire que les gens se sentaient de moins en moins affiliés, qu'ils avaient d'autres affiliations, soit supranationales, soit infranationales, soit extranationales, c'est-à-dire de genre, d'orientation sexuelle, de religion, etc. Et le dernier débat, lancé par un ouvrage qui fait pas mal de bruit aux États-Unis, de Ayel El-Sharrar, porte sur ne porte plus sur la légitimité de la nationalité, mais sur son caractère injuste et inégal, puisque selon que vous seriez né Bangladeshi ou Suisse, évidemment, vous n'avez pas les mêmes opportunités, les mêmes chances d'avoir une vie pleine et heureuse que voilà, selon la nationalité qui vous fait, que le hasard vous a fait attribuer, le hasard de votre naissance et de vos parents vous a fait attribuer à la naissance. Alors moi, dans cette présentation, je vais montrer d'abord que la nationalité, le lien juridique à l'État, son histoire est indépendant de la conception de la nation, qu'il y a sa propre histoire, et que les deuxièmes vagues d'auteurs ont exagéré la crise de la nationalité, et qu'au contraire, il y a une renaissance du lien entre l'État et l'individu, dans une troisième étape de son développement historique, par l'inversion de la traditionnelle lien de souveraineté. Vous savez que dans l'idée de souveraineté, il y a l'État qui a des sujets, donc nous sommes des sujets, et l'État détermine avec qui dans la population mondiale il a des liens. Eh bien aujourd'hui, je dirais que on peut dire qu'il y a une sorte, après la Seconde Guerre mondiale, une sorte d'inversion du lien entre les États et les individus, et qu'aujourd'hui les États ont été sommés, et d'ailleurs la preuve en est toutes ces conventions internationales qui ont été signées après la guerre, d'attribuer un lien de citoyenneté à tous les individus qui naissent sur cette terre, et que d'ailleurs ça s'est traduit dans un concept développé par la Cour suprême américaine de la souveraineté du citoyen. C'est-à-dire, ça n'est plus l'État, le gouvernement qui exerce sa souveraineté sur l'individu, c'est l'individu qui, naissant, possède des droits comme des droits souverains, c'est-à-dire inaliénables, permanents, intouchables. Et ça a des conséquences sur le développement du phénomène de la double nationalité, de la multiple nationalité, puisque si les États ne peuvent plus réguler la citoyenneté en la supprimant ou en changeant les règles d'attribution, eh bien, l'internationalisation, la globalisation fait que la double nationalité se développe, et ça entraîne des conséquences sur lesquelles on reviendra. Voilà, disons la thèse que je vais développer, c'est-à-dire c'est la renaissance du lien État-individu à travers les intérêts convergents entre les individus qui sont heureux de se sentir citoyens d'un ou plusieurs États, et de le vérifier matériellement par des papiers ou des documents, et les États qui sont heureux finalement d'avoir des individus qui ont plusieurs nationalités, parce que ça peut être des instruments d'influence quand ils sont à l'étranger. C'est la renaissance d'une conception romaine de la nationalité. Vous savez que la conception romaine, c'était que quand on était d'origine romaine, indépendamment du lieu où on était né, on restait romain et on avait été soumis aux droits romains, etc. Et donc, finalement, il y a 150, tous les États des Nations Unies deviennent des États romains. Post-Caracalla. C'est ça. Après l'édit de Caracalla. On y reviendra. Voilà. Donc, reprenons. Le premier débat, donc, c'était Brubaker. Selon lui, les définitions de la citoyenneté reflètent, expriment profondément des conceptions de la nation orientées vers l'État pour la France et assimilationniste pour la France, ethnoculturelles pour l'Allemagne. Et moi, j'ai montré donc que, bon, ce que je vous ai dit il y a deux minutes, c'est que c'est nous qui avons inventé le droit du sang, la France. Dans le Code civil 1803, c'est un vieux juriste, Tronchet, qui a contourné l'opposition de Napoléon dans une manœuvre que je raconte dans le premier chapitre de mon livre. Mais parce que lui, il avait plaidé des cas de Français, de descendants de Français nés à l'étranger. Il avait justifié à travers des arrêts, c'était du common law, la France, hein, jusqu'au Code civil. Donc, il avait justifié à travers des arrêts la filiation comme mode principal d'attribution de la nationalité. Il s'était inspiré du droit romain et il l'a emporté. Et du coup, ça a été une rupture profonde dans toute l'Europe. Et comme l'Europe était le centre du monde du point de vue de la production juridique et du pouvoir, ça a eu des conséquences énormes puisque ce système d'attribution de la nationalité s'est développé, s'est diffusé dans la majorité des pays du monde. Alors, quelle était l'idée derrière cela? C'était créer, ça n'avait rien de raciste ou d'ethnique comme ça peut l'avoir aujourd'hui. C'était l'idée que l'individu devait être indépendant vis-à-vis de l'État. Que si vous alliez à l'étranger, que si vous faisiez des enfants, ces enfants devaient avoir la nationalité du père comme son nom de famille. La nation étant comme une famille, et n'étant pas, au fond, l'être humain n'étant pas comme un veau naissant sur la terre d'un noble ou un bâtiment. Parce que c'était ça, le droit du sol, c'était considéré comme féodal. Vous étiez attaché comme à la glaise de la terre de laquelle vous étiez né. Donc c'était une volonté d'indépendance de l'individu par rapport à l'État. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette innovation n'a pas touché la zone d'influence britannique, elle a touché par exemple la Chine ou le Japon. Hein ? Quand la Chine et le Japon décident de leur droit de nationalité, ils consultent les droits étrangers, comme a fait l'Allemagne d'ailleurs, ils consultent le droit étranger. Quand on fait le droit de nationalité en Allemagne, en Chine ou au Japon, on ne dit pas quelle est la conception de la nation chinoise. On regarde, le problème en Chine c'était qu'il y avait des Chinois en Indonésie et que les Néerlandais voulaient les intégrer dans une nationalité indonésienne ou je ne sais pas trop quoi, et les Chinois ont dit on va prendre la technique de l'affiliation, comme ça on les garde, les Chinois de l'Indonésie. Donc c'était des systèmes d'intérêt de pays d'émigration. Bon. Ce qui va se passer, c'est-à-dire que le droit français aujourd'hui, qui est basé à la fois sur le droit du sol et le droit du sang, est le produit d'un changement de la situation de la France par rapport à l'immigration. Enfin, plutôt d'une situation migratoire qui s'opposait à la structure du droit de la nationalité. C'est-à-dire que pour les pays fondés sur la filiation, quand ils sont des pays d'émigration, la filiation c'est formidable, ça maintient des liens avec le pays où sont partis les habitants. Les gens sont partis. Quand on est un pays d'immigration, le droit du sol, c'est pas mal, ça intègre les enfants qui sont nés. Mais quand on est un pays d'immigration avec un droit fondé sur la filiation, tous les enfants qui naissent échappent à l'intégration dans la nationalité. Et ils finissent par devenir... ils échappent aux obligations et ils sont sous la protection d'un État étranger. Donc, du point de vue de la gauche, ce sont des gens qui n'ont pas l'égalité des droits. Et du point de vue de la droite, ce sont des gens qui permettent l'intrusion d'un État étranger dans les affaires internes de l'État. Et du coup, à la fin, on a intérêt à les faire nationaux pour leur donner l'égalité des droits et des devoirs et pour éviter l'intrusion de l'État d'origine dans les affaires domestiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui des différences dans le droit de la nationalité, mais ça veut simplement dire que le droit de la nationalité n'est pas inscrit dans le marbre. Si c'était le reflet d'une conception de la nation, ce serait très difficile à changer. puisque ce que j'ai écrit, moi, il y a quelques mois, les quatre piliers de la nationalité, c'est des trucs qui remontent il y a deux siècles. Bon, or, on a changé, la France n'a jamais été le pays qui a le plus changé sans avoir la nationalité. Donc, ça n'a rien à voir avec la conception de la nation. D'ailleurs, vous prenez un pays comme le Canada, c'est le même droit à la nationalité sur tout le Canada. Vous avez le Québec ou Ontario, n'ont pas du tout la même conception de la nation. Donc voilà, ça c'est la première chose. Indépendance de ce droit par rapport à la conception de la nation, évolution selon les intérêts de l'État, et notamment par rapport à la perception de la situation migratoire, et par rapport à la dimension, à le caractère démocratique de l'État, et à des frontières sûres, on pourra y revenir. Alors le deuxième débat interne sur ces sujets de droit à la solidarité, ça a été le débat lancé par Peter Schuck et Roger Smith, qui est toujours un débat américain, sur l'interprétation du 14e amendement. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le 14e amendement aux États-Unis. C'est un amendement à la Constitution qui est adopté après la guerre civile, 1868. Je vous le lis en anglais. All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. Ça veut dire que toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et sujets à la juridiction américaine sont citoyens des États-Unis et de l'État où ils résident. C'est une phrase très simple et ça a des conséquences très importantes. Je dirais, vous y viendrez plus tard, pourquoi. Pour moi, c'est un article très important, mais pour Schuck et Smith, c'est à cause du passage « subject to the jurisdiction thereof ». Parce qu'ils disent, les illégaux, eux, n'ont pas été acceptés dans la juridiction américaine. Ils se sont introduits par effraction. Donc, leurs enfants ne sont pas concernés par les dispositifs. Il n'y a pas eu de consentement des États-Unis à ce qu'ils deviennent américains. Et ils développent toute une théorie qui est, citant des philosophes, Montesquieu, Rousseau, Harrington, etc., qui insiste sur le volonté collective et la liberté du consentement comme des normes pour la refondation des communautés politiques. Mais là, moi, je dis, il y a une confusion. Ils font une confusion. Justement, ils font une confusion entre la conception de la nation, entre qui dirige la nation, comment elle est. Et le, si vous voulez, et je dirais les techniques de transmission de nationalité, de dire ce n'est plus le roi mais c'est la République, ça n'empêche pas le droit de transmission de la nationalité française de ne pas changer. Évidemment que ça a des conséquences si on n'a plus un roi ou un empereur mais une République et qu'on élit le pouvoir. Donc ça change le contenu du lien, mais ça ne change pas la méthode d'attribution du lien. Mais ce qui se passe, c'est que au moment de la construction des États-Unis, au début, vous avez eu un peuple qui a décidé de se révolter pour demander l'indépendance, donc ils ont exprimé leur volonté d'être américains et libres, et puis des gens qui arrivent pour immigrer, qui seront naturalisés. Donc eux, les naturalisés, eux, ils expriment une volonté. C'est les seuls. Dans la nationalité de tout pays, que ce soit l'Argentine, le Japon, la Chine, ou le Sénégal ou la France, 95% des gens n'ont pas choisi d'avoir la nationalité. Ils l'ont à la naissance. Mais il y en a qui choisissent, c'est ceux qui sont à la frontière. Ceux qui ont une nationalité différente de leur lieu de résidence, ou qui épousent quelqu'un d'une autre nationalité qu'eux. Ceux-là sont à la frontière de deux nationalités ou de plusieurs, et donc peuvent avoir une marge de choix. Ceux-là, d'ailleurs, leur choix s'est développé dans les dernières décennies. Mais il y a une distinction entre l'attribution de la nationalité, souvent non choisie, comme une sorte de on peut dire au départ, de façon pour les États, c'est ce que disait un juriste français, Niboyet, de garantir leur existence, car nous allons tous mourir, il faut bien que les États, notre nation-État, continue. Donc pour faire, il y a un territoire pour un État-nation, mais il y a une population. Et donc pour maintenir la population de l'État, il n'y a pas 36 moyens, il y a soit la filiation, soit la naissance sur le sol. Donc c'était ça au départ. Mais on va y revenir. Aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est-à-dire que ça a été pour moi renversé. C'est-à-dire ce qui était le simple intérêt de l'État d'avoir une population, une gestion, j'allais dire, une sorte de gestion patrimoniale des populations est devenue un moyen pour les populations, pour les individus, de garantir un certain nombre de se donner une sorte de base de garantie de droit. Mais avant d'en venir à cette hypothèse, rappelons quand même que les 15 dernières années, on a entendu plutôt des gens dire que c'était la fin de l'État-nation comme mode principal d'affiliation. Yasemine Soysal, dans un ouvrage de 1994, avait dit que de plus en plus les droits étaient basés sur des fondements universels de droits individuels et non plus sur l'appartenance à la nation. Et la base de cette étude était l'Europe. L'Europe garantit des droits indépendamment de la nationalité. Les États-nations, d'ailleurs, devenant de moins en moins... Sheila Benhabib écrivait en 2006 qu'on assiste à la désagrégation de la citoyenneté. Bon. Alors, je vous rappelle que dans le dernier traité de Lisbonne, qui ne sera pas modifié de sitôt, l'article 20 déclare... que chaque personne ayant la nationalité d'un État membre sera aussi un citoyen de l'Union, mais que la citoyenneté de l'Union est additionnelle et ne remplace pas la nationalité des États. Donc la nationalité de l'Union est une sorte de dérivée d'une nationalité d'un des États, et on n'est pas du tout dans le même schéma que la Constitution américaine, qui avait donné très peu de pouvoir à l'Union, mais un pouvoir était la naturalisation, de faire des règles communes pour la naturalisation. Donc on n'est pas du tout dans un schéma fédéral du point de vue de la citoyenneté. Alors il y a la Cour européenne essaye de gagner des petits bouts de trucs, etc., mais ça va pas quand même très très loin. Bon. Alors, Peter Spiro, dans un livre publié en 2008, alors dont le titre, je vais vous donner, c'est Peter Spiro, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est toujours assez intelligent, Beyond Citizenship, American Identity After Globalization. Alors, sa thèse est que le sentiment d'être américain s'est évaporé, etc., et que maintenant les gens se sentent soit appartenant à soit des affiliations religieuses, de genre, sexual orientation. Voilà, et que c'est ça qui crée les sentiments d'appartenance à travers les frontières. Alors il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas finalement aller vers ça? Ne plus être américain, mais être femme, homme, hétéro, gay, juif, musulman, athée, etc. Puis voilà, puis on créerait une sorte de... Alors il étudie un peu la question, c'est un peu embêtant parce que c'est pas des structures très libérales. C'est très difficile d'appartenir à la nationalité des femmes si on n'est pas femme, de se transformer en femme. Pour les religions, c'est pareil, il y a des règles extrêmement... Et finalement, à la fin du bouquin, il dit finalement l'État, c'est quand même pas si mal, parce que c'est quand même... Les règles se changent, on peut discuter de comment on entre, comment on sort, etc. Et finalement, les règles d'affiliation... sont assez, voilà, démocratie finalement fonctionne quand même. Alors après avoir tenté de nous faire sortir des États-nations, il y revient en disant finalement C'est pas si mal. D'ailleurs, le livre le plus, alors à mon avis, assez faux, mais qui stimule le plus la réflexion dans les dernières années, c'est le bouquin d'Ayelet Shahar. Alors, qui s'appelle, parce qu'elle a écrit plusieurs articles, mais le livre qu'elle a publié s'appelle... Ah ben, j'ai pas la... il manque la feuille. C'est sur le... de loterie, ça s'appelle The Birthright Lottery, ou je ne sais pas quoi, la loterie de la naissance. Bon. Alors, ce qu'elle dit, c'est que la citoyenneté, c'est comme la propriété. C'est un droit qui se transmet par la filiation, par la transmission, mais une propriété archaïque, puisque ça ne peut pas se vendre. Personnalité, c'est une propriété automatiquement héritée qui, sur le modèle d'un système qui s'appelle le Fitel dans l'Angleterre médiévale, qui automatiquement transmettait sans qu'ils puissent et collectivement sans qu'ils puissent vendre leur part la propriété à des enfants, etc., à leurs enfants des précédents propriétaires. Alors, elle propose du coup, comme s'il y a des inégalités énormes de propriété, la valeur, je vous dis, du passeport bangladéchi est quand même beaucoup inférieure à celle du passeport américain ou suisse, d'abord de créer une taxe de justice internationale où finalement les pays riches donneraient du fric aux pays pauvres pour compenser la richesse de leur nation par rapport à la pauvreté des autres. Et elle suggère un deuxième moyen d'assurer la justice mondiale, c'est de passer de jus soli ou jus sanguinis, qui est une inscription à la naissance, à ce qu'elle appelle le jus nexi, c'est-à-dire qui vous donnerait la citoyenneté du lieu où vous résidez. Comment elle écrit ça, nexi ? N-E-X-I. Alors voilà... C'est le jus domicili Oui, c'est ça. Alors... Le problème de ce raisonnement, qui est très séduisant du point de vue de la théorie politique, qui a séduit, qui provoque des discussions, c'est que, bon, d'abord du point de vue historique et juridique et conceptuel, c'est assez flageolant, excusez-moi, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a quand même eu déjà des liens entre la propriété et la nationalité, puisque on ne pouvait pas hériter en Angleterre ou en France si on n'avait pas la nationalité. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des conflits de droit sur la nationalité avant la Révolution, c'est que les gens qui avaient des propriétés en France, dont la nationalité était contestée, allaient devant le tribunal pour dire « je suis français ». Parce que sinon, ils n'avaient pas le droit d'hériter. Donc, en fait, la nationalité sous la Révolution a été déconnectée de la propriété. Et est devenue un droit politique. A été relié à la citoyenneté. Le droit de la Révolution lie la nationalité à la citoyenneté. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais fait dériver, il y a une sorte de fusion entre citoyenneté et nationalité, enfin une sorte de conjonction, si vous voulez, qui déconnecte la nationalité du droit de propriété. Alors après la Révolution, et avec la réforme dont je vous ai parlé, la nationalité est déconnectée des droits politiques, enfin disons qu'elle ne devient plus, mais elle est rattachée au droit civil. Est français celui qui jouit des droits civils, du code civil. Alors, le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que l'obligation de transmettre la nationalité aux enfants, le fait qu'il l'ait automatiquement, est aussi une garantie pour les enfants. Si les parents pouvaient vendre, se débarrasser, dire bah, « toi, tu te donnes la nationalité, je ne te la donne pas », etc., c'est aussi, si vous voulez, elle aurait pu comparer la transmission automatique de la nationalité à la transmission automatique de l'héritage en droit civil, je dirais, français ou inspiré du droit français, puisque l'un des effets de la Révolution française a été l'égalité des garçons et des filles, et le fait que les parents ne peuvent pas déshériter leurs enfants, complètement, alors qu'il y avait le droit d'aînesse avant. Et donc, ça, c'était pas quelque chose qui est injuste, au contraire, de la justice. De dire aux parents, vous n'avez aucun pouvoir de décider sur ce sujet, c'est automatique, c'est la loi de l'État. Et d'ailleurs, Tocqueville le notait. Il disait que... Je signale cette citation de Tocqueville parce que Ariel Schahar s'arrête au milieu de la citation pour faire dire à Tocqueville l'inverse de ce qu'il dit dans cette phrase, dans ce passage où il dit que on a négligé l'impact, c'est un peu du... C'est Todd qui s'est inspiré de lui, d'une certaine façon, parce qu'on a négligé l'impact des lois sur l'héritage sur les sociétés, que lorsqu'ils sont fondés sur l'égalité, la machinerie de la loi détruit toujours son passage, écrase et transforme, retombe comme un marteau encore et encore. Je sais pas, parce que je vous lis la traduction de l'anglais, alors que j'aurais pu vous dire le français, bien sûr. Et d'où ressort une poussière impalpable sur laquelle s'installe la démocratie. Donc il décrit en quoi l'égalité dans l'héritage est à la base de la démocratie, ce contre quoi s'élevait Balzac. Balzac, dans plusieurs de ses romans du XIXe siècle, attaque le code civil et particulièrement la disposition de l'égalité de l'héritage qui aurait, selon lui, détruit les grandes propriétés, etc. Et on a même dit, sans l'avoir, je crois, jamais prouvé, que c'était pour ça que la natalité française avait baissé, c'était qu'il y avait de l'autorégulation des naissances pour éviter que les fermes soient divisées entre les filles, les garçons, etc. Donc, et la France était l'un des pays où il y avait le moins d'enfants à la fin du 19e siècle. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant que l'impact des lois sur l'héritage sur les sociétés politiques et sur l'économie et sur la démographie. Bon, au fond, ça mériterait des thèses. Non. Mais ouais, lui en avoir. Toujours est-il que la deuxième raison pour laquelle le lien avec l'héritage est compliqué, c'est que quand vous naissez sur le sol de parents étrangers, ben là, vous héritez pas justement la nationalité de vos parents. Vous avez la nationalité du pays où vous êtes né. Donc là, il n'y a pas d'héritage, il y a une attribution. Donc là, il y a une différence avec l'héritage. Et puis, il y a une autre différence avec l'héritage, c'est que quand vous héritez, ben, c'est en général que vos parents sont morts. Or là, quand les enfants naissent, ils récupèrent votre nationalité sans que vous la perdiez. Donc, vous voyez, il n'y a pas de perte du bien. Il n'y a probablement pas de perte de valeur. Ce qui fait que c'est un public good, un bien public, en ce sens que tout le monde, que la consommation de ce bien par une autre personne n'entraîne aucune soustraction par une autre personne qui a le même bien dans sa consommation. La nationalité, la naissance, l'augmentation de la population n'entraîne pas, en tout cas, il n'y a pas d'effet de l'augmentation de la population sur la baisse de la richesse. Enfin, il n'y a pas, puisqu'il y a des pays qui. C'est des choses. Il n'y a pas d'effet automatique. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Ça veut donc dire que la citoyenneté n'est pas un bien. C'est un bien non rivalrus, selon la théorie économique, mais c'est un bien partiellement exclusif, en ce sens que l'introduction d'un nouveau membre est soumise à des conditions. C'est-à-dire que une fois que vous êtes membre, si vous avez entre 1 ou 50 enfants, ils auront tous la nationalité. Vous pouvez produire des membres autant que vous voulez. Mais si vous venez de l'extérieur, il y a des conditions d'entrer dans le club, qui ne sont pas toujours liés à la légalité, puisque les enfants nés aux États-Unis ou parfois en France de parents illégaux peuvent devenir citoyens, mais qui sont quand même organisés dans des règles. Tout le monde ne peut pas devenir américain en appuyant sur un bouton n'importe où dans le monde. Français pareil, ou argentin, ou suédois. Bon, donc il y a des règles d'entrée dans le club. Mais une fois que vous êtes dedans, vous pouvez produire un nombre de membres illimité. Aucun autre membre du club va vous dire arrêtez-vous là. Enfin, sauf en Chine. là, vous avez... Mais ça, c'est, je veux dire, c'est une... Il n'empêche que les enfants qui naissent, même contre la volonté de l'État, ont la société chinoise. Voilà. Donc, alors, il y a un deuxième élément. Donc, ça veut dire que la nationalité possède une double nature. C'est à la fois un club dont l'entrée est limitée et un bien public où il n'y a pas de limite au nombre de membres une fois qu'on est à l'intérieur. Alors, si je dois maintenant récapituler, originellement, la nationalité, c'était être un sujet. On vous attribuait une nationalité. Les règles d'admission ou d'exclusion étaient fixées par les États. Le statut de national n'avait une signification que pour un très petit nombre de gens qui soit étaient propriétaires, soit voyageaient, etc. Les autres ne bougeaient pas. Et à la fin du XVIIIe siècle, quand la nationalité fut explicitement définie, par exemple, dans les constitutions de la Révolution, le contenu du lien fut changé d'un système réciproque d'allégeance au roi donné en échange de sa protection, il devint la base des droits civils et politiques attribués en échange que le citoyen respecte la loi, c'est-à-dire en fonction d'obligations. Mais dans les 150 années qui ont suivi, les techniques d'attribution, de création ou de suppression de la nationalité n'ont pas reconnu la liberté de l'individu à l'égard de la nationalité. La citoyenneté a évolué, étant avant un statut inconditionnel, c'est-à-dire où lequel il n'y avait pas de choix, à un statut conditionnel, mais cette conditionnalité était toujours imposée et déterminée par l'État, indépendamment et parfois contre la volonté de l'individu. Et d'ailleurs, cette évolution de l'inconditionnalité à la conditionnalité n'a pas concerné les mêmes personnes. Par exemple, progressivement ont été supprimées les naturalisations automatiques qui s'étaient produites dans la Révolution ou en Allemagne, quand vous étiez résident un ou deux ans, paf, vous deveniez allemand même si vous ne vouliez pas. Il y a eu le droit reconnu à l'expatriation, au changement de nationalité, ce qui voulait dire la fin de la dimension féodale du droit du sol anglais. Mais, à l'inverse, le statut de la femme, jusqu'au mi-XXe siècle, est devenu de plus en plus précaire et non libre, puisque la femme épousant un homme d'une autre nationalité, progressivement, ça a commencé avec le Code civil français, et c'est allé jusqu'en 1907, avec le droit américain, qui a dit que la femme américaine épousant un étranger devenait étrangère, en 1907. Hein? Donc, en fait, le droit des femmes s'est dégradé, alors que celui des naturalisés s'est développé au cours de cette période. Et puis surtout, s'est développé des politiques de dénaturalisation ou de déchéance de la nationalité qui sont la caractéristique du XXe siècle par rapport au XIXe. Et l'exemple de la déchéance, si vous voulez, la période la plus... faut rappeler que dans une loi de 1940, les États-Unis ont décidé que serait déchue la nationalité américaine par décision administrative toute personne qui échapperait au service militaire, qui quitterait le pays pour la guerre, etc. Vous avez des milliers d'Américains qui ont été déchus de la nationalité américaine entre 40, je dirais, et le milieu des années 50, à partir du moment, date à partir duquel, de laquelle la Cour suprême a commencé à intervenir. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces procédures de déchéance de nationalité, les cours ont quand même bloqué les projets des gouvernements. C'était le cas en France, dans la Première Guerre mondiale, le Conseil d'État a bloqué pas mal des projets de gouvernement. Et ça a été le cas aux États-Unis à partir de 1943, où la Cour suprême intervient, d'abord pour remettre dans la nationalité un communiste russe qui avait été dénaturalisé, Schneiderman, puis en 1944, Baumgartner, un nazi qui avait été aussi dénaturalisé pour avoir été membre du parti nazi et actif pro-Hitler au moment de sa naturalisation. Et puis, progressivement, la Cour suprême va intervenir sur les cas de personnes déchues, alors qu'ils sont nés américains. Non pas dénaturalisés, mais ce qu'ils disent, dénationalisés. Et dans une décision, alors vous avez une première décision importante qui est Tropp versus Dulles, qui est en 1958, où la création d'un apatride est considérée comme contraire au 8e amendement, comme étant un. Le 8e amendement dit que les punitions cruelles et inhabituelles sont interdites. Cruel. An unusual punishment. Donc, il déclare que l'apatridie, la création d'apatridie, est un cruel et unusual punishment. Mais ils ne font pas le même raisonnement sur le double national qui aurait échappé à l'armée. Et c'est le cas de ce fameux Perez du même jour, où le Chief Justice, le patron de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, Warren, est mis en minorité, mais son opinion va devenir une star opinion, ça veut dire une opinion référence. Et je vais vous lire peut-être le passage. Vous comprenez un peu l'anglais ? Bon, qui ne comprend pas l'anglais ? Personne. Bon. Donc je vais vous lire le paragraphe. Citizenship is man's basic right, for it is nothing less than the right to have rights. Remove this priceless possession, and there remains a stateless person, disgraced and degraded in the eyes of his countrymen. He has no lawful claim to protection for any nation, and no nation may assert right on his behalf. His very existence is at the sufferance of the state within whose borders he happens to be. In this country, the expatriate would presumably enjoy at most only the limited rights and privileges of aliens, and like the alien, he might even be subject to deportation and thereby deprived of the right to assert any rights. This government was not established with power to decree this fate. The people who created this government endowed it with broad powers. They created a sovereign state with power to function as sovereignty. But the citizens themselves are sovereign, and their citizenship is not subject to the general powers of their government. Donc c'est cette dernière phrase que je voudrais vous signaler. Les citoyens eux-mêmes sont les souverains, et leur citoyenneté n'est pas sujette au pouvoir de leur gouvernement. 9 ans plus tard, dans une décision qui va faire là la majorité, le juge qui, à mon avis, a inspiré, parce que maintenant je suis dans les recherches historiques, je pense que c'est ce juge-là à qui l'Amérique doit ce raisonnement, c'est le juge Black, Hugo L. Black, écrit l'opinion majoritaire et il dit, et c'est assez intéressant parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la citoyenneté dans cette nation. So citizenship in this nation is part of a cooperative affair, c'est comme un club. Its citizenry is the country, and the country is its citizenry. The very nature of our free government makes it completely incongruous to have a rule of law under which a group of citizens temporarily in office can deprive another group of citizens of their citizenship. Donc l'idée, c'est qu'on a des gens au gouvernement, ce sont des citoyens. C'est absolument inacceptable que ce groupe de citoyens enlève la nationalité à d'autres citoyens. Le langage, alors, le langage est assez très républicain au sens, et en même temps, c'est alors, ce qui est intéressant, ça je ne l'ai pas mis dans l'article, puisque c'est des choses que je découvre en ce moment en écrivant la conclusion de mon ouvrage, c'est que cette décision est très attaquée par la doctrine. En fait, on dit pas aux États-Unis la doctrine, on dit les revues de droit, les professeurs, etc. Et notamment toutes les... alors il y en a qui disent, mais ça c'est du Rousseau. C'est du Rousseau, alors ça veut dire du Rousseau, ça veut dire c'est français, enfin, c'est terrible. Quoi. Et alors il se trouve que, dans les débats internes à la Cour, l'un des juges, qui d'ailleurs s'est rallié à la majorité après, a attaqué le titre en disant c'est du Rousseau. Donc bien avant que un article soit écrit. Sauf que, et alors ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tôt, dans un article de la Yale Law Journal, il y a un émigré autrichien qui s'appelle Kössler. Maximilien Kössler, qui écrit un article remarquable en 1946 sur citoyens, subjects et nations, et où il parle de Rousseau en disant que selon Rousseau, l'addition des citoyens, c'est le peuple. Le peuple se divise en citoyens, donc c'est Rousseau au sens technique. C'est pas la volonté, il n'y a pas ici l'idée de volonté générale, qui était quand même le concept principal de Rousseau. C'est la convention de l'époque, au 18e, on dit, quand on dit le peuple, c'est l'assemblée des citoyens. Bon, mais c'est aussi Spinoza. Il semble que je sois inspiré de Spinoza. Que Rousseau, là-dessus, je sois inspiré de Spinoza. Donc en fait, c'est un vocabulaire conventionnel de l'époque. Et parce que ce que dit l'attaque contre la décision de la Cour suprême américaine, c'est... Dans la Constitution américaine, on ne parle pas des citoyens, on ne parle que du peuple. Mais la réponse est, pour les gens qui ont fait la Constitution, qui se sont inspirés du langage philosophique de l'époque, le peuple, ça veut dire l'addition des citoyens. Et d'ailleurs, le 14e amendement, qui est analysé par Black de façon littérale, il a fait un raisonnement remarquable. Il dit, par exemple, si vous lisez le 14e amendement, je n'ai pas complètement en tête, il y a cette phrase que je vous ai lue sur « sont citoyens ». Puis alors après, ne peuvent être soumis à la privation de liberté, à la peine de mort, les citoyens peuvent être soumis qu'après un « due process of law ». Enfin, qu'après un... Bon. Et donc, il dit, voilà, la première phrase de l'amendement, on ne peut pas l'enlever. Il n'y a pas son citoyen, sauf due process of law, il n'y a pas eu d'exception. Dans la deuxième phrase, on dit, bon, tout le monde est libre, sauf si par un due process of law, on vous met en prison. Or, la première phrase, il n'y a pas de conditionnalité. Il y a une inconditionnalité du statut. Et c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là intervient dans un contexte international. D'ailleurs, la décision Trump versus Dallas cite un nombre incroyable de situations dans d'autres pays sur la patridie. C'est à une époque où la Cour suprême américaine n'hésite pas à se référer à des exemples étrangers. Or, c'est le moment, il y a eu la Convention des Nations Unies sur la nationalité, il y a eu la Convention sur le statut de la femme mariée, il y a eu le traité sur la patridie, qui vient compléter la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc il y a cette idée, et là vous dire, c'est qu'en réalité, c'est pour moi comme si, à ce moment-là, la communauté des nations s'était vue sommée, en quelque sorte, d'attribuer la citoyenneté, une citoyenneté, à tous les êtres humains comme une obligation fondamentale, sans laquelle ces êtres ne pouvaient pas jouir de droits et de dignité. Et pour ceux ne pouvaient pas les avoir parce que le droit des nationalités ne marchait pas, et ben on leur donnait la protection de la patrie, qui est, comme je vous le rappelle, le maximum des droits de l'étranger, du statut d'étranger dans un pays. Donc, on arrive à un moment de l'histoire où les États ont garanti qu'on ne pouvait plus perdre la nationalité, et en même temps, de par la transformation du statut de la femme devenu égal à l'homme, les mécanismes de perte de la nationalité pour les femmes qui épousaient des hommes d'une autre nationalité disparaissent, et la femme obtient le droit de transmettre la nationalité à ses enfants, comme l'homme s'ils ont des nationalités diverses. Et du coup, va se développer une double nationalité, aussi bien dans les pays d'immigration que dans situation d'émigration. Alors, au début du XXe siècle, il n'y a que très peu de pays qui acceptent la double nationalité des immigrés. Il n'y a que la France et le Royaume-Uni. Mais progressivement, et alors aujourd'hui et récemment, vous avez eu même le Luxembourg et la Suisse. Le Luxembourg et la Suisse, qui sont très restrictifs à l'égard de la naturalisation, acceptent la double nationalité, plus que l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne est obligée de l'accepter, mais avec plus de réserves, du point de vue juridique, que la Suisse ou le Luxembourg. Du point de vue des émigrés, vous avez eu une tendance des pays d'Amérique latine très récemment, de la Turquie, soit d'accepter la double nationalité, soit de pays comme l'Inde, de créer des statuts spéciaux pour leurs ressortissants à l'étranger. Et du coup, l'Australie a fait pareil. Alors il y a des réintégrations dans les nationalités des descendants des migrants, par les Italiens, les Espagnols. Les Australiens ont fait pareil aussi. Hein ? Grecs. Et puis vous avez un autre phénomène qui, à mon avis, va de pair, c'est les nouvelles technologies aident à l'attribution de documents d'identité dans des pays où les citoyens les plus pauvres n'en avaient pas. C'est le cas de programmes au Mali, au Bénin ou en Inde. Et en Inde, il y a un programme de développement de centaines de millions de documents d'identité donnés par l'État fédéral qui va permettre à l'Indien de se promener et d'aller dans d'autres villages, parce qu'aujourd'hui il a les bénéfices d'être indien uniquement là où il est connu, c'est-à-dire dans son village. Mais s'il va pouvoir avoir une carte, ils sont en train d'imprimer 500 millions de cartes qui vont être attribuées d'abord aux plus pauvres. C'est pareil au Mali, où ils ont enregistré beaucoup plus de monde qu'ils ne le pensaient, plus de 14 millions d'habitants, avec les queues dans les consulats du monde entier au Mali, les consulats du Mali. Et donc, vous avez cette alliance des nouvelles technologies et du droit, en quelque sorte, et de la réorientation stratégique des États, qui font que les individus se sentent de plus en plus agréablement affiliés à des États-nations. Soit qu'ils n'avaient rien, comme les plus pauvres maliens, indiens, etc., et que tout d'un coup, ils ont un document d'identité qui leur donne un sentiment d'identité, non seulement des droits, mais une perception d'identification. Soit qu'ils étaient un peu mis à l'écart par des pays qui refusaient la double nationalité, que tout d'un coup on leur dit vous êtes formidables, on les invite dans les cocktails, dans les ambassades, les consulats, vous pouvez être des instruments de ceci, de cela. Ils gagnent des sièges de députés dans les assemblées, la France étant le dernier pays à avoir donné des sièges de députés, d'ailleurs à des gens qui pour la plupart sont double nationaux. La plupart des Français qui vont voter aux élections législatives ou présidentielles l'année prochaine, à l'étranger, ont plusieurs nationalités. Et la double nationalité qui est attaquée aujourd'hui est celle des immigrés et pas celle des émigrés. Il faut quand même le noter. Pour la première fois, on va avoir des députés de l'étranger. Alors, tout ça est merveilleux jusqu'à une certaine limite. Et je vais maintenant conclure là-dessus. C'est que, je vous ai dit au début, il peut vous arriver que la double nationalité devienne un cauchemar. Et c'est ce qui est arrivé à un Canadien syrien arrêté à JFK. Qui n'avait qu'un passeport canadien, mais qui a été envoyé en Syrie, où il a été torturé. Et il est resté pendant un an, et torturé très gravement, avant que les Canadiens finissent par s'intéresser à sa situation, et à le rapatrier. Car quand vous avez la double nationalité ou la triple nationalité, et que vous êtes dans un pays tiers, le pays tiers n'a pas, peut faire ce qu'il veut. Il peut choisir. C'est pas vous qui choisissez. Quand vous êtes canadien et syrien, si vous êtes au Canada, vous êtes canadien. Si vous êtes en Syrie, vous êtes syrien. Et si vous êtes aux États-Unis, les Américains peuvent dire, ah ben, nous on pense que vous êtes syrien. Donc quand on croit que la double nationalité est un avantage, c'est pas toujours le cas. Et donc dans cet article, je conclus que, étant donné qu'il va y avoir le développement de ce phénomène, il faut peut-être prévoir des mécanismes d'appel juridictionnel d'urgence en cas d'atteinte de risque important pour les droits de l'homme devant un tribunal ou une instance juridictionnelle qui serait placée auprès de l'UNHCR, qui déjà s'occupe de ce genre de situation, etc. Parce que il aurait fallu que cette personne puisse dire, écoutez, je suis canadien, je n'ai jamais machin, j'appelle à cette... je demande un appel. Je ne veux pas être rapatrié en Syrie. Je veux bien être jugé aux États-Unis, je veux bien être jugé au Canada, mais pas en Syrie. Donc un appel suspensif. Un appel suspensif. Donc je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec ces développements de la multiple nationalité, c'est que paradoxalement, s'il avait été apatride, il aurait été plus protégé. Parce que les Américains n'auraient pas pu le renvoyer. S'il n'avait été que canadien, il aurait été beaucoup plus protégé. Donc on voit que dans cette situation-là, contrairement à ce que les mononationaux pensent, les doubles nationaux peuvent souffrir de discrimination de par l'existence d'une nationalité dont parfois ils ne souhaitent pas ou ne souhaitent pas bénéficier, ou parfois dont ils ne jouissent pas du tout. Parce que les Américains sont fiés au lieu de naissance pour lui dire qu'il était syrien. Ils ont vu qu'il était né en Syrie. Je crois qu'en Syrie, il y a le droit du sol, en partie, et hop, il est syrien. Et le type a touché 10 millions d'indemnités du Canada. Enfin, il y a eu toute une enquête. Il a eu des excuses officielles du Premier ministre. Ça a été une affaire incroyable, parce que les services secrets canadiens l'ont donné des informations fausses sur lui aux Américains. Enfin, il a été complètement laissé tomber par son pays. Donc il y a eu une commission d'enquête qui a entraîné, il y a eu des excuses officielles du Premier ministre, ça a quand même secoué les gens. Parce que bon. Voilà. Donc voilà, je termine là. Je pense qu'on a le temps d'avoir une discussion. Merci beaucoup. Cette présentation. Oui. Pour revenir sur la double nationalité, on peut aussi penser au cas contraire où la double nationalité pose problème au pays de réception, comme dans le cas de la guerre de 2006 entre le Liban et Israël, où il y avait plusieurs ressortissants canadiens, enfin libanais, qui ont la nationalité canadienne, qui n'ont pas vécu longtemps au Canada, mais qui ont vécu suffisamment de temps pour être citoyen du Canada, pour avoir la nationalité canadienne, mais qui vivaient au Liban, ils ont quand même demandé d'être expatriés par le Canada pour échapper à la guerre. Et ça a fait justement, ça a causé de gros problèmes au Canada. Et d'ailleurs, le Canada en a changé, à les rapatrier et a changé son droit de nationalité et dans un esprit opposé à celui que je décris. C'est-à-dire en entraînant la suppression de la nationalité canadienne après deux générations. Mais ça tient aussi au fait que les Canadiens ont quasiment vendu leur nationalité à des hommes d'affaires, enfin disons à des gens qui investissent, etc. Donc on acquiert la nationalité canadienne par investissement, donc ils ont eu plein de Chinois de Hong Kong, etc. Ils sont maintenant repartis à Hong Kong, donc ils ont un sentiment que, bon, c'est eux-mêmes qui payent le prix d'une nationalité attribuée, je dirais, avec beaucoup de facilité. Mais en même temps, ils n'étaient pas obligés, du point de vue du droit international, dès lors que ces personnes avaient la nationalité canadienne, libanaise, ils auraient pu leur dire, bah, écoutez, vous êtes au Liban, vous êtes libanais. Voilà, on n'est pas obligé de vous aider. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est là que ça montre qu'il y a quand même le pouvoir des individus s'est développé. C'est pour le pouvoir, une sorte de pouvoir d'imposer aux États de s'occuper d'eux. C'est que quand même le Canada s'est occupé d'eux. Mais si vous aviez en droit international, ils sont au Liban, l'armée libanaise a besoin de. Ils sont emmenés à l'armée, personne ne peut rien faire. Le Canada aurait pu leur dire écoutez. Donc c'est qu'il y a eu quand même. Voilà, c'est qu'il y a une évolution, c'est l'évolution que je note, et celle-là, elle va dans ce sens. C'est-à-dire que vous avez. L'individu a une sorte de droit de tirage sur les États. Même si juridiquement, l'État pourrait dire « démerdez-vous ». Au début du XXe siècle, les Américains se plaignaient que des naturalisés repartaient en Italie, etc. Et qu'ensuite, la seule chose qu'ils demandaient, c'était un passeport. Ils ne demandaient pas ils demandaient la protection de l'Amérique, mais quand ils voulaient revenir, quand ils étaient en Italie, ils ne demandaient pas que les États-Unis s'occupent d'eux. Déjà, ça déplaisait aux Américains. Aujourd'hui, c'est pas que c'est une obligation juridique, c'est que ça se sait, la presse en parle, on a des compatriotes là-bas, et les gens disent, bah, après tout, ils sont quand même des compatriotes, donc qu'est-ce que fait le gouvernement ? Voilà. Le gouvernement, il y a quand même des électeurs qui sont restés sur place, il se dit, si je fais rien, je vais perdre des voix. Puis voilà, puis c'est... Mais ça a entraîné le backlash, là, je suis tout à fait d'accord. J'ai encore une petite question. Allez-y. Vous venez d'utiliser le terme compatriote pour la première fois. Il y a une littérature dans la philosophie américaine qui a essayé de faire justement qui essaye de débattre sur les special obligations, les obligations spéciales entre les compatriotes et les concitoyens. Ouais. Comment vous différenciez les deux ? Est-ce que vous utiliseriez ces deux termes ? Mais quelle littérature ? C'était Mason. Un philosophe qui s'appelle... Mais qu'est-ce qui fait comme différence entre concitoyens et compatriotes ? Justement, il pose la question s'il y a des obligations spéciales aux compatriotes qui seraient différentes de celles des concitoyens, et il met en question cette citoyenneté qui tend à être une citoyenneté géographique du lieu où on habite. Ben non, justement, elle n'est pas ça. On peut être américain à l'étranger. Ce que je n'ai pas dit dans cette présentation, c'est que qu'est-ce qui fait que je suis aussi réservé sur le Ius Nexi ? C'est que c'est très insécurisant. Je veux dire, l'attribution de la nationalité à la naissance, c'est très simple. Vous êtes né à tel endroit, vous êtes né de tel parent, vous avez la nationalité des parents. C'est facile à prouver. Vous n'êtes pas dépendant d'un bureaucrate qui va dire « Ah ben non, mais combien d'années de résidence vous avez ? Mais donnez-moi vos preuves, etc. » Si vous entrez dans un machin de Ius Nexi, vous tombez entre les mains de l'État. Le fait que ce soit le lieu de naissance qui compte, vous avez besoin d'un certificat de naissance pour avoir la nationalité américaine. Si elle devenait conditionnelle à la légalité du séjour des parents, c'est une toute série de papiers. C'est, si vous voulez, j'ai eu un débat à la Yale Law School là-dessus avec des collègues qui s'opposaient. C'est que dès lors que vous dites. Bon, maintenant, dorénavant, les enfants d'illégaux nés aux États-Unis ne sont plus américains. Il faut que les parents soient légaux. Et donc, imaginez que vous êtes né aux États-Unis. Vous dites, je suis né de parents américains. Prouvez-le, vous êtes né de parents américains. Là, c'est d'accord. Parce que dès lors que vous mettez une condition, elle va s'appliquer à tout le monde. C'est pas qu'une seule catégorie. Les gens croient que parce qu'on met une condition, c'est que les illégaux qui vont devoir faire des papiers. Tout le monde doit faire des papiers. On l'a bien vu en France avec les problèmes qu'ont certains à prouver la nationalité. En France, tout le monde, leurs grands-parents. Donc, si vous voulez, moi, je leur ai dit aux Américains, je dis, si vous avancez dans cette direction, vous allez prendre le droit français finalement, parce que il vaudra mieux dire le double droit du sol que de prouver la légalité du séjour des parents. Le double droit du sol, tout le monde. Vous savez ce que c'est ? Est français l'enfant né en France, un parent né en France. Il vaut mieux apporter deux certificats de naissance. C'est assez simple. Que d'aller apporter la preuve que vos parents étaient légalement français. Ah oui, ou résidents. Surtout en plus dans d'éventuels contextes coloniaux. S'ils se mettent à mettre la moindre condition, ils vont vers des tas de problèmes. Ils se posent vraiment la question ou pas ? Alors, Oui, parce qu'il y a maintenant des États qui votent des procédures, etc. Et ça va aller devant la Cour suprême. Mais justement, mon livre va apporter une nouvelle pierre au débat, parce que en réalité, tous ces cas dont je parle, le Pérez dont je parle, c'est un Mexicain. On n'étudie pas ce cas du tout. Or, ce Pérez, il était né aux États-Unis. Il n'y a pas un moment dans la décision mention du caractère légal ou illégal des parents. Donc, c'est des cas très importants pour l'argument disant que la Cour suprême n'en a rien eu à foutre. Surtout par rapport au Mexique. Ben voilà, exactement. Si je te comprends bien, ton hypothèse, ta thèse même, c'est de dire que c'est peut-être dans les années 50, notamment à partir de ces décisions-là. Et du égalité homme-femme. Ouais, que ce serait en quelque sorte créer une sorte de nouvelle vision. J'essaie de synthétiser l'idée. Ouais. Que ce serait créer une nouvelle vision du rapport entre le citoyen et l'État, oui. Où désormais il y aurait une possibilité, on sommerait l'État d'attribuer voilà. De la nationalité, ouais. Généralement de ne pas pouvoir l'enlever, voilà. Sauf voilà. Véritablement cas exceptionnel, et de surcroît d'être responsable des citoyens. Des individus qui ont la nationalité, c'est-à-dire d'en être responsable quand ils sont dans d'autres pays, etc. Voilà, etc. Voilà. Bon. Comment est-ce que tu... Si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à partir de ces décisions de justice américaines se diffuse ce paradigme de la citoyenneté ou de la nationalité ? Il se diffuserait comment ? Puisque, non, il n'y a pas qu'aux États-Unis, puisque les conventions internationales elles se diffusent partout. Les États-Unis signent pas tellement ces conventions, ils ont leur propre dynamique. Mais l'égalité homme-femme, c'est diffusé, ça s'est développé partout. La chute de la déchéance de nationalité, bon, en France, on en fait une par an, machin. La lutte contre la patridie, ça s'est développé aussi. Dans les codes internationaux, le Conseil de l'Europe l'a vachement développé, puis après, tous ces. Il y a aussi tout un travail d'influence. Quand les pays africains font des codes de nationalité, ben ils s'inspirent de ce qui se fait en Europe, etc. Oui. Donc il y a tout un mécanisme de diffusion à partir d'organismes comme le Conseil de l'Europe, qui n'est pas un organisme qui donne l'impression d'être un État. Donc les gens se copient les conventions, etc. Donc voilà, il y a des normes qui sont développées. Et là, aujourd'hui, j'ai participé il y a quelques années, il y a un ou deux ans, à un travail de la fondation Soros pour l'élaboration d'un droit de nationalité plus juste dans les pays africains. Voilà, c'est eux qui ont fait ça, c'était formidable. Ils ont fait un travail formidable, c'était remarquable. Et ils faisaient des conférences en Afrique, partout, etc. Et c'est c'est NGO, donc c'est pas les États, c'est pas les États coloniaux d'avant, ou machin, c'est pas l'impression de... Donc ça serait par l'intermédiaire de ces conventions ? Des conventions, des jurys spécialisés qui ont demandé pour pas nous aider à faire notre droit à la nationalité. Et donc gens... c'est la circulation du droit se fait. Voilà. Ça s'est déjà fait comme ça au 19e siècle, mais là avec les nouvelles normes, oui, bien sûr. Plus vite, j'imagine. Oui. Plus vite en plus. Bah, plus vite, pas toujours plus vite, mais un peu plus partout, parce qu'il y a quand même plus d'États que le 19e siècle. Et puis disons que le monde est plus égal au sens. Les normes appliquées en Europe n'étaient pas appliquées dans les colonies. Alors qu'aujourd'hui, c'est des normes qui s'appliquent dans le monde entier. Et est-ce qu'à ton avis, il y a un impact de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur, qui traite des questions d'immigration, notamment ? L'immigration, non. C'est la nationalité. Chacun a le droit à une nationalité, c'est ça. Important. Est-ce que ça, je pense oui. Que ça, c'est un moment... Ouais. C'est un moment important, oui. J'ai encore une question par rapport à la multinationalité. Le Mexique, dans cette même politique d'un pays d'immigration, a étendu la double nationalité, a autorisé la double nationalité en 1994, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc c'est un pays qui était très restrictif là-dessus. Ouais. Par contre, ils font une différence, ils disent qu'on ne peut pas avoir des droits politiques dans les deux pays. Alors je ne sais pas, j'ai mal compris. Mais oui, mais ça c'est parce que chaque pays fait ses trucs, parce que... Oui. Par exemple, c'est pareil pour les Haïtiens. Les Haïtiens, vous n'avez pas le droit de voter aux élections si vous avez la double nationalité, vous n'avez pas le droit d'être élu. Pour l'instant, mais... Mais attendez, je vous dis, oui, d'accord, pour l'instant, d'accord. Enfin, ça a eu une des conséquences, puisque le chanteur de rap américain ne peut pas se présenter. Donc, pour l'instant, oui, enfin, il vient d'avoir une élection, donc c'est quand même, ça a quand même de l'importance. Bon, je suis d'accord que c'est con, mais c'est comme ça. Non, mais plutôt ma question est, est-ce que vous pensez qu'on irait vers, justement, une possibilité de l'étendue, de la multiplication des droits de politique dans plusieurs pays? Je pense que chaque pays va faire un petit peu... Là, il faut laisser... Moi, je crois que... Il faut essayer de faire des distinctions entre... Vous savez, avoir la nationalité, c'est d'abord... C'est... Alors, ce qui est intéressant, il cite le droit d'avoir des droits. Alors, on se dit, tiens, Hannah Arendt. Bon. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que Hannah Arendt a de l'influence? Et alors, je vais vous donner la réponse. D'abord, je pense qu'elle a pompé. Parce que vous savez qu'elle a une réputation de pompeuse. Bon. Puisque... Lisez les ouvrages de Raoul Hilberg sur... Eichmann à Jérusalem. Même Brunto, le dernier bouquin de Brunto sur le concept de... Ah, je ne vais pas retrouver là, bien évidemment. De quoi sur le concept de génocide ou je ne sais plus quoi. Mince, et alors il montre très bien qu'il y avait toute une littérature qui existait avant Hannah Arendt et qui se retrouve très étrangement chez, alors chez moi, Hannah Arendt et qui datait des années 20 et des années 30. Je soupçonne qu'elle ait pompé une femme absolument extraordinaire qui s'appelait Emma Goldman, ouais, qui a écrit des textes, notamment un texte que je vous conseille, A Woman Without a Country, qu'elle écrit en 1909 quand elle est dénaturalisée. Elle est la première dénaturalisée politique américaine. Et elle conceptualise et elle dit le droit d'avoir des droits, etc. Et comme c'est un pamphlet qui n'a pas, c'est pas un bouquin, etc., on peut le pomper sans le citer, quoi. Non, le bouquin de Brunto, c'est pas sur le concept de génocide, c'est sur le concept de totalitarisme. Ah oui. Et il montre que dès les années 20, il y a des études, il y a des, comment dire, il y a des articles de théorie politique sur le totalitarisme, et qu'il y en a qui ont complètement disparu, dont on n'a plus jamais entendu parler, et qui se retrouvent chez Hannah Arendt à la fin des années 40. Ouais. Moi, je pense qu'elle est... Je vais le mentionner dans un article que je vais faire sur le... Donc, je dirais qu'Emma Goldman... devrait être beaucoup plus lu qu'on ne le fait, parce qu'on la considère comme une militante et pas assez comme une théoricienne. Or, elle a écrit des textes formidables. Et vous savez qu'il y a une fondation à Berkeley, avec tous ses archives, c'est féministe, anarchiste, elle était honnête et courageuse, elle était très intelligente, elle a été... expulsée vers la rue, vers l'Union soviétique en 21. Elle était très déçue par ce qu'elle a vu. Elle est partie au bout d'un an. Elle a écrit sur l'Union soviétique un ouvrage très critique. Et elle a essayé de redevenir américaine. Elle a fait la guerre d'Espagne. Elle s'est réfugiée en France. Et elle a fini par aller à la frontière, mourir et habiter et mourir à la frontière des États-Unis, à Toronto. Donc je pense que Hannah Arendt s'est inspirée de Emma Goldman, entre autres. Mais Hannah Arendt inspire quand elle écrit sur l'impérialisme, le droit d'avoir des droits, un jeune étudiant de la Yale Law School qui, en 1954, écrit une note de jurisprudence, plutôt une critique d'une loi sur la sécurité intérieure, qui peut produire de la patridie. Et c'est lui, il cite Hannah Arendt, et c'est lui qui développe l'idée que la création d'un apatride serait contraire au 8e amendement parce qu'il créerait, c'est un cruel, un unusual punishment. On retrouve dans la décision. Or, cet article est cité par le président de la Cour américaine du Second Circuit, qui est dans la minorité sur Trump, et il parle de cette note de la Yale Law Journal, ce masterpiece, etc. Qui? Une note non signée. Mais j'ai retrouvé le bonhomme dans mon enquête là. Donc je l'ai interviewé. Et Donc il m'a expliqué que l'idée du sujet lui était donnée par son professeur. Il a tout expliqué, que ensuite il a écrit cet article et que il a une dette particulière à l'égard du président de cette année-là de la revue, ses étudiants qui dirigent la revue. Donc je vais faire tout un truc où je mentionnerai que l'idée de l'article a été donnée par le professeur Machin, très connu à l'époque, et que telle ou telle personne a eu. Mais lui, du coup, le truc remonte à la Cour suprême, et là, évidemment, ils lisent le dissent opinion du chef de la Cour, du second circuit, qui cite ce master, cette pièce formidable, et donc, du coup, le clerc qui est chargé d'éclairer son patron juge, il dit, ben, regardez, cet article est formidable, etc. Et du coup, Hannah Arendt rentre par l'intermédiaire de cet étudiant dans la jurisprudence de la Cour. C'est intéressant quand même, hein. Tu l'as retrouvé comment ? Quoi ? La question. Eh bien, j'ai écrit aux gens qui dirigent la revue aujourd'hui. Ils ont appelé un gars qui, en fait, que j'avais moi-même interviewé parce qu'il était au bord de la revue cette année-là. Il s'est souvenu qui c'était. Et puis moi, je l'ai été à Washington et je suis allé l'interviewer. Voilà. Donc cet anonyme va devenir connu. Célèbre. Et grâce à mon livre. Et vous n'avez pas respecté le principe d'anonymat. Non, mais là, franchement, il n'y a rien de. En revanche, je vais vous lire si vous voulez, parce que j'ai donc interviewé des clercs de la Cour suprême, des juges, et certains m'ont parlé, et d'autres, ils respectent quand même l'obligation de réserve. Et alors, il y en a un qui m'a écrit, qui est maintenant l'un des 12 sages des Mormons. Donc c'est une des la plus haute autorité mormon. Et voilà. Et lui tenait un journal quotidien de son expérience comme clerc du Chief Justice Warren. Et donc, il m'a écrit pour me dire qu'il n'avait pas le droit de m'envoyer des extraits de son journal, mais il m'a écrit pour me dire quand même qu'il m'autorisait à citer ce qu'il a noté du jour où on annonce les cas à la Cour suprême. Alors je vais vous le lire parce que c'est quand même super intéressant. Donc, je vous le lis en anglais. Hein. Donc, on est, imaginez, l'après-midi, il y a ces cas sur le type qui va être apatride ou l'autre, etc. Donc, Warren obtient la majorité. Il empêche l'apatridie de l'Américain qui a échappé à un confinement militaire à Casablanca pendant une journée et a été déchu pour ça. Et en revanche, il n'obtient pas la majorité sur Pérez, qui vote aux élections mexicaines. Alors, donc les cas de la même journée prennent jusqu'à 1h50 après à ce moment-là. At that time, Felix Frankfurter, qui est un conservateur, start in with Pérez. He stated the facts and issued without giving away the disposition, bringing the whole thing to a climax just at 2 p.m. when the court went to lunch. They returned at 2:30, as usual, and Frankfurter finished his discourse. When he was through, the chief began to read his dissent. He prefaced his remarks by stating that his dissent had been prepared with respect to the written opinion of Justice Frankfurter, which differed materially from the declarations he had just given from the bench. The chief submitted that Frankfurter's statement was not necessarily the view of the court, and stated that it was not as well supported by authority as he would have you believe. Imaginez le climat. Vous avez le juge Frankfurter qui vient de faire le commentaire de sa majorité, il a battu le Chief Justice, et le Chief Justice reprend la parole en disant ce que vient de vous dire le Chief, c'était pas l'opinion de la Cour, et ne croyez pas un mot de ce qu'il vous vient de vous raconter comme opinion, comme il pense. Then the Chief read his Perez opinion. The afternoon wore on as each justice drawn through the full text of each opinion. In all, 12 opinions were read. Every justice but Burton and either Clerk or Ireland was heard. Chief and Frankfurter 3 times, and Brennan twice. Douglas broke the monotony when delivering his opinion in Perez. He announced, "These are the most important constitutional pronouncement of this century." Douglas' delivery and remarks were easily the most forceful of the afternoon. His statements about the case's importance was dramatic. The courtroom was charged with an electric air of importance from that time forward. Time rolled on. It was about 4:20 before Nishikawa was started. The chief read it as briefly as he could, but the dissent had to be almost cryptic in order for court to dismiss about 4:55 p.m. Voilà. Et ça, je peux le citer. C'est incroyable de précision. Hein. Alors, si toutes ces notes sont comme ça, ce journal aura une très grande valeur. Bon. Et là, moi, je vais le citer complètement. Là, il m'a autorisé à citer ça. Et là, on voit. Alors, pourquoi ce sont des cas si importants? C'est parce que ça touche à la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'occasion de cas de déchéance ou de naturalisation que la Cour suprême va définir la citoyenneté. Pour en revenir à ce que je vous disais, ça n'est pas un moment de l'entrée dans la citoyenneté, c'est le moment de l'éventuelle sortie. Puis se demande, mais qu'est-ce que c'est qu'être américain? Qu'est-ce que c'est que la définition de l'américain? Alors, si je peux me permettre, j'ai une question. Mais bien sûr que vous pouvez vous permettre. Pour rebondir sur cette interrogation sur le terme de nationalité, de citoyenneté, pardon. Je suis un peu confuse, hein, parce que je vois le terme en cas de double nationalité qui s'opère entre cette situation de double nationalité et de citoyenneté. Est-ce que d'emblée il y a un lien également entre les deux, puisque est-ce qu'on peut parler également de double citoyenneté qui va de pair avec la notion de double nationalité? Et dans ce cas, que veut dire la double citoyenneté, puisque dans les cas, les exemples énoncés, cet Iranien qui avait également la nationalité canadienne ne se voit pas reconnaître ses droits lorsqu'il est arrêté par le gouvernement iranien. Il ne se voit pas reconnaître ses droits canadiens. Mais il ne se voit pas reconnaître ses droits canadiens, mais il se voit reconnaître ses droits syriens. Oui, mais alors, à quoi sert la double nationalité dans ce cas? Est-ce que... Mais c'est bien ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en général, ça sert, à, par exemple, à avoir le choix, mais parfois non. Par exemple, si vous êtes français aux États-Unis et que vous êtes aussi américain, aux prochaines élections présidentielles, en 2012, vous allez voter aux élections françaises et aux élections américaines. Donc vous allez voter deux fois. Donc vous allez avoir deux fois plus de droits qu'un Français qui n'est que Français ou qu'un Américain qui n'est qu'Américain. Bon, parfois vous allez avoir deux fois moins de droits. Si vous êtes Américain en France, vous allez payer des impôts pour l'Amérique, vous allez payer double, vous avez des risques de double imposition. Bon, donc, mais vous avez parfois, quand je déclare que le double nationalité est accepté, ça, je ne dis pas que ça ne pose pas de problème de régulation. De statut que vous... Non. Si vous vous mariez, et vous voulez divorcer, vous vous mariez, est-ce quel droit on applique? Le droit de votre nationalité ou le droit de votre résidence? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va démultiplier des cas où les juges vont devoir faire des choix. Alors, est-ce que le terme de double nationalité est critiqué au regard des questionnements qu'il pose sur le terrain? Au regard des situations complexes qui l'amènent. Vous parlez du terme ou de la, le, de la chose le fait même, alors, oui. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé avec l'équipe de France de foot. Oui. Bien sûr qu'elle est critiquée. Non, mais vous, dans votre... Comment est-ce que vous... Mais moi, je ne le critique pas, justement. Moi, je dis, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous lisez, Samuel Huntington. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Who are we ?» dans lequel il dénonce de manière très virulente la façon dont l'augmentation de la double nationalité, l'essor de l'espagnol, de la langue espagnole dans tous les États du sud des États-Unis, selon lui, vient menacer le credo américain. Pour lui, la double nationalité et de surcroît l'immigration illégale et le développement de l'espagnol comme langue majoritaire dans un certain nombre d'États, c'est une véritable menace. C'est quand même une opinion qui est assez, assez répandue. Enfin, elle n'est pas forcément majoritaire, mais elle est assez répandue dans beaucoup, dans beaucoup d'États, selon lesquels la double nationalité, c'est un problème de dilution. Alors après, vous posez la question double nationalité, double citoyenneté. Et c'est vrai que... Ah bah pas nécessairement, parce que vous avez par exemple des cas où vous avez la double nationalité, mais malgré tout, cette double nationalité est assortie d'un certain nombre de réserves ou d'un certain nombre de limites. Je finis juste ça. Ou par exemple, vous êtes un double national, mais dans l'un des deux pays, vous n'allez pas pouvoir voter. Ou alors, vous allez pouvoir voter à certaines élections et pas à d'autres. Parce que on considère que sinon c'est un problème qui est trop grand. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'États qui refusent même l'idée de double nationalité, parce que ça reviendrait à accorder la nationalité à un nombre de gens très important vivant à l'étranger, parfois plus important que le nombre de personnes vivant dans le pays, et que ça pourrait poser des problèmes si de surcroît ces individus demandaient la citoyenneté et donc le droit de voter. Alors est-ce que le terme de double nationalité convient ? Est-ce qu'il n'est pas à repenser ? Vous avez la nationalité de deux pays. C'est pas des demi-nationalités. Mais vous, en tant que chercheur, en tant que penseur... Mais quel est le problème ? Moi, par exemple, je suis originaire de famille, bon, de côté de mes grands-parents, qui ont trois nationalités différentes. Je n'ai jamais cherché à savoir si je pouvais récupérer... J'aurais peut-être pu récupérer une nationalité allemande, peut-être polonaise, ukrainienne. Bon, je m'en balance. Oui, vous avez des gens qui ont le droit à plusieurs nationalités qui ne vont jamais l'exercer. Vous voyez, c'est parce que vous avez des gens qui vont l'exercer pour différents intérêts. Vous avez des Américains aujourd'hui qui cherchent à récupérer une nationalité européenne pour pouvoir venir travailler dans l'Union européenne sans être emmerdés pour avoir les papiers, etc. Et réciproquement, vous avez des Argentins qui redeviennent italiens mais pour aller travailler à Londres. Hein ? Pas loin. Polonais. Quoi ? Mais les Polonais ont le droit, depuis maintenant, cette année, c'est fini, il n'y a plus de restrictions pour les Polonais. Moi, je suis Polonais depuis pas très longtemps. Oui. Par mon grand-père, c'est mort. Et vous étiez quoi avant ? Argentin. Je suis toujours. Polono-argentin. D'accord. Oui. Vivant en France. Mais du coup, je sais bien que... Vous parlez polonais ? Pas du tout, j'avais mis un pied en polonais. D'accord. C'est pas un projet non plus, parce que justement, pour revenir à la question de, oui, des risques, en tout cas, je sais que la seule chose, en tout cas, je sais, c'est que je ne ferai pas l'armée, mais en tout cas, si je suis en Pologne, je suis polonais, j'ai pas le droit de demander à l'ambassade argentine de me sauver. Voilà. Et donc, vous n'allez pas en Pologne, quoi. Non. Est-ce que vous pouvez voter pour les élections polonaises ? Si oui, bien sûr. Un mouvement de Polonais et un parti, peut-être, mais je crois que... En réalité, il risque d'y avoir des évolutions de ce point de vue-là, parce que comme vous êtes quand même Union européenne, il peut y avoir des décisions de la Cour européenne. Il y a quand même des décisions de la Cour européenne qui, enfin, pour l'instant, si vous avez, par exemple, si vous êtes expulsé de France, on dira, bon, bah, on va vous donner en priorité, envoyer vers la Pologne, puisque vous êtes sortissant de l'Union. L'intégration ne va pas être facile. Non, mais après, pour la question du vote et la double citoyenneté, c'est normal de ne pas voter aux élections européennes dans deux pays européens, étant donné que ça serait pour le même Parlement. Mais après, pour d'autres pays, c'est... Je ne sais pas. Oui, mais ce qu'on voit, c'est que les États, souvent, assortissent la tolérance de la double nationalité à des limites qui sont liées à l'exercice complet des droits politiques. Et ce qui est intéressant, enfin, tu en as un petit peu parlé, c'est qu'on voit maintenant depuis une vingtaine d'années, on voit de plus en plus d'individus qui sont éparpillés un petit peu, un peu partout dans le monde et qui vont, par l'intermédiaire d'associations, réclamer envers l'État d'origine, ils vont réclamer le droit d'obtenir la double nationalité. C'est-à-dire qu'ils vont réclamer un changement de la loi, voire de la Constitution, pour qu'ils puissent obtenir la double nationalité. Alors des fois, ça fonctionne dans le cas de l'Arménie, après plusieurs référendums qui s'étaient soldés par un résultat négatif. Dans le cas de l'Inde, il y a eu des pressions très très fortes pour aller dans ce sens. Et ça, c'est véritablement maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les États qui disent « Oh tiens, on va l'accorder ». Ce sont des individus qui, de plus en plus, s'organisent pour demander ce droit-là ou pour demander la possibilité d'être représentés en tant qu'expatriés dans le Parlement du pays d'origine. Ce sont une espèce de stratégie pratiquement inverse où la pression vient désormais, en partie, bien évidemment, parce qu'après c'est une négociation qui se met en place, il y a en partie justement des expatriés. Vous avez la réflexion sur le chacha, en fait l'idée c'est de déconnecter la citoyenneté du lieu, d'associer la citoyenneté au lieu où on réside, c'est ça, et de déconnecter la citoyenneté à la nationalité. C'est déconnecter la nationalité complètement. C'est-à-dire que les gens perdraient la nationalité d'origine et prendraient la nationalité du lieu de résidence. Ah d'accord. C'est pas la déconnexion de la citoyenneté et de la nationalité. D'accord, ok. Oui. J'ai pas compris, parce que moi je travaille sur le mouvement de beurre au début des années 80. Qui demandait ici, voilà, le mouvement de beurre des années 80, c'est assez... Je veux dire, il faut aussi se placer dans le contexte historique. Bon. Ils sont souvent algériens. Ils vont pas demander la nationalité française à cette époque-là. Maintenant, ils la demandent. Et donc, du coup, ils demandent, ils militent... Pour le droit de vote sans nationalité. Voilà. Citoyenneté de résidence. Parce qu'ils ne veulent pas, après avoir obtenu une nationalité liée à l'indépendance de l'Algérie et la guerre d'Algérie, demander maintenant à récupérer la nationalité française. Ça a quand même un problème. Ce que maintenant, ils font. Puisque maintenant, toute l'Algérie ne serait pas capable de devenir française si on lui proposait. C'est ce qui se passe. Comme disait un de mes amis algériens... La moitié, enfin, si vous voulez, si demain, moi je ne suis pas invité en Algérie, parce qu'il y a encore une possibilité jusqu'en 2012, pour les gens qui sont devenus français pleinement par la loi de 1919 sur la distribution par décision de justice, or les registres sont en Algérie, donc la liste des noms des gens et tous leurs descendants, jusqu'en, ça peut faire probablement des centaines de milliers de personnes qui pourrait devenir française immédiatement. Ni les Algériens ne veulent sortir ces listes, parce qu'ils montreraient au monde entier que plus personne ne veut rester algérien s'il y a la possibilité de machin, et les Français n'en veulent surtout pas non plus. Donc, pour ça, quand j'entends des associations dire « Mais ouvrons les frontières, personne ne viendrait. » C'est ridicule. Si demain vous dites que les frontières sont ouvertes, il n'y a plus besoin de visa pour venir en France, vous avez 20 à 25% des populations de ces pays qui débarquent. Je m'excuse de choquer peut-être plus d'un peu. Mais c'est tout. Dites aux Maliens, non, demandez-leur s'ils ne veulent pas venir en France, s'ils pouvaient. Ou les Algériens, ou les Marocains, ou les Tunisiens. Ou les Sénégalais. Évidemment. Venir en France ne veut pas dire devenir français. Et si on leur proposait la nationalité française, ce qu'ils diraient ? Ils diraient non. Ce serait pas l'enjeu. Hein ? Mais imaginez que ce soit l'enjeu. Est-ce qu'ils romperaient les liens avec leur culture d'origine ? Si on peut garder la double nationalité ? Non, parce que ce que je veux dire, c'est que pour autant qu'ils acceptent de venir, est-ce que... Ils acceptent. C'est plutôt. Ils accepteraient d'office. C'est pas qu'ils accepteraient. C'est pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils veulent. Bon, on leur propose pas. On leur propose pas. Voilà. Mais je viens de vous dire un autre exemple. Imaginons qu'on dise. Moi, je peux vous dire, je reçois toutes les semaines des emails d'Algérie. Comme j'ai écrit ce bouquin. Est-ce que par hasard, je suis pas français, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui traîne qui... J'étais français, mon grand-père était français. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces documents, je suis français? Non, je ne nie pas ça. Je ne nie pas que normalement, de population des pays du Sud veulent. Pour celles qui sont ici, pour celles qui... Non, non, pour celles qui sont là-bas. À un moment donné, supposons qu'elles y parviennent. Oui. Qu'elles parviennent à venir. Est-ce que le fait d'être ici, même le fait d'accepter cette nationalité, cette présence ici, pour autant, romprait des liens de citoyenneté ou de nationalité? Mais non, puisque la double nationalité est autorisée, justement, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Donc pour autant, oui, allez-y. Je peux peut-être vous répondre. Il y a des cas où les populations qui sont parties ne veulent pas forcément garder ou récupérer leur nationalité première. Moi, je travaille sur les Libanais. Dans le cas des Libanais d'Amérique du Sud, la majorité, ça ne les intéresse pas du tout de récupérer la nationalité libanaise, alors que ce sont des Libanais, mais avant tout, et qu'ils vivent leur libanité entière, même plus que les Libanais du Liban, mais là-bas en Amérique du Sud. Et ils disent que ça leur nuit, ça leur donne pas forcément beaucoup d'avantages. Et pour passer aux États-Unis, en plus, ils ont un passeport libanais, ça peut leur donner... des emmerdements, voilà. Des problèmes, et qu'ils se disent, voilà, c'est exactement... C'est pour ça que je dis que la double nationalité n'est pas obligatoirement bénéfique à la personne. Mm-hmm. Et que beaucoup de gens disent « Ah, il a une nationalité, etc. » Mais c'est pas toujours un bénéfice. Ni du point de vue des impôts, ni du point de vue du droit applicable, ni du point de vue... Ça dépend. Parfois, les gens qui vivent, tout d'un coup, se voient affecter leur nationalité d'origine alors qu'ils ne la vivent plus. Et donc, quand on a toujours tendance à dire que la nationalité est un avantage par rapport à la mononationalité, ça dépend. Et est-ce qu'il y a des... Les Algériens, hein? Je repense à les Algériens, eux, ils devaient faire le service militaire en Algérie. Oui, mais ça a été finalement négocié. Mais ouais. Indépendamment du service militaire auquel on pense toujours, on ne pense pas à ce que je vous disais sur les arrestations et les moments qui sont importants dans la vie, hein, où la liberté est en jeu, etc. Voilà. Et est-ce qu'il y a des études sur des personnes qui auraient la double nationalité du fait de la naissance, par exemple? Parce qu'il y a un droit du sol dans le pays où ils naissent et un droit du sang dans le pays d'origine des parents, et qui décide de renoncer à une des deux. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié? Il faudrait étudier tout ça. Enfin, il faudrait faire un centre d'études. C'est pour ça que moi j'ai proposé une autre idée qui va avec dans une conférence de Policy Network, qui est un truc de... et que je vais essayer de faire un article pour le Financial Times, c'est l'idée de création d'une taxe internationale sur les gens les plus riches, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de résidence, qui irait pour les organisations internationales de leur pays de nationalité, ou ancienne ou actuelle, pour éviter les expatriations ou les changements de résidence pour des questions de taxation. Et à ce moment-là, ça nécessiterait des banques de données. Mais c'était quoi votre question exactement? Non, c'est parce que est-ce qu'on a des données? On n'a pas beaucoup de données. Sur les individus qui ne choisissent pas d'avoir une double nationalité, parce que vous avez une nationalité, mm-hmm. vous demandez la naturalisation dans un autre pays et vous pouvez conserver la vôtre. Mm-hmm. Bah, voilà, c'est vous qui décidez de changer. Mm-hmm. Mais des individus qui naissent avec déjà deux nationalités, mm-hmm. celle du pays dans lequel ils naissent et celle du pays d'origine du ou des parents. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des cas d'individus qui renoncent à l'une des deux? Vous travaillez sur quoi? Je travaille sur l'immigration libanaise aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en comparaison avec la France, où j'ai fait pour mon master. Mais c'est très bien, vous devriez rencontrer un de mes thésards. Ouais. Il travaille sur Martin Messica, vous ne connaissez pas? Non. Il travaille sur l'immigration juive en Israël, en France et au Canada. Hein? Vous m'enverrez un email et puis je vous mettrai en contact. Ouais, c'est bon. Une autre question? Oui, ça sera la dernière. Est-ce que vous avez pensé aux populations qui, j'ai envie de dire, ne sont pas dans le consensus national? Des personnes qui n'ont ni la possibilité de choisir une nationalité, qui ne sont pas liées au droit du sol. Je pensais aux Roms, en l'occurrence, mmh. qui se voient toujours ballotés ici et là. On leur attribue des espaces un peu en périphérie. Et quelque part, ces populations se sont vues imposer des structures nationales, l'idée même d'État-nation, se sont vues un peu dépouillées, j'ai envie de dire, d'un patrimoine territorial, terrestre, je ne sais pas comment le nommer, n'ont pas participé à la distribution de ces territoires, et se retrouvent un peu, finalement, en marge, sans... Après, je ne suis pas suffisamment, pas du tout renseignée sur la question des populations roms, mais qui se retrouvent un peu de côté sans qu'on ne leur voie proposer une autre alternative à l'idée de nationalité et d'appartenir, d'être en lien avec un État. Donc visiblement, il est impossible d'exister sans cette affiliation. Et voilà. C'est vrai. Alors on aurait pu imaginer la création d'une nation rome avec des élus, pas de territoire. Oui, peut-être. Ça, c'est à Stéphane qu'il faut poser la question. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. On finira par trouver des mécanismes d'organisation du monde qui s'appuient sur de nouvelles technologies, sur ceci. Mais pour l'instant, le territoire reste la base d'organisation qui paraît le plus simple. Je suis d'accord qu'il faut changer, il faut évoluer. Moi, je suis pour le droit à l'aller-retour, des choses comme ça. Mais pour l'instant, l'organisation du monde est comme ça. Donc vous avez raison. On ne s'est pas bien adapté à des populations qui dont l'identité est de bouger et où il n'y a pas de centre stable où on pourrait dire bon ben voilà vous bougez mais au moins là c'est vous. On n'a pas créé un État Rome. Ok. D'accord. Voilà. Même si d'un autre côté, par exemple, au niveau européen, les Roms sont très organisés. Oui, et puis il y a des protections, il y a des lois qui sont passées, etc. Et puis pour vous faire quand même un commentaire sur la dernière affaire, enfin la polémique sur les Roms l'année dernière, il faut bien voir que c'est Sarkozy qui les a fait venir, les Roms. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Parce que pour atteindre son objectif de 30 000 reconduites aux frontières tous les ans, il a décidé de donner une prime aux Roumains et aux Bulgares. Qui viendrait et qui se ferait interpeller, qui se ferait payer le voyage retour plus une prime. Donc les Roms d'Europe se sont dit allons vers la France, parce qu'une fois qu'on veut repartir, on se fait arrêter et on touche une prime de retour. Donc personne n'a relevé ça, mais en réalité, un certain afflux de Roms vers la France a été organisé par le gouvernement. Pour le coup, ça amène une autre, enfin, sortir du sujet, mais une autre lecture des politiques de migration, de reconduite aux frontières, qui finalement ne sont que leurs, quelque part. Non, elles sont pas, elles sont légales. Pas totalement, oui. Mais un peu, exactement. Ça, j'avais fait un article dans Le Monde, vous pouvez regarder, sur les faux retours reconduites aux frontières. D'accord. 40% qui sont des fausses. Mais vous allez nous faire aimer Sarkozy, quelque part, d'une certaine façon. J'ai pas dit, je pense pas. Sûr, quand même. Non, mais en même temps, on se dit, il n'est pas très sérieux dans son discours sur les politiques d'immigration, puisque quelque part, il... Mais il crée un sentiment de peur chez les gens. Ça, c'est vrai. Et ben, c'est quand même important. Oui. C'est quand même faire peur à tout le monde, à tous les gens qui sont pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Il déstabilise les statuts, il fait des renouvellements tous les 6 mois des cartes de séjour, etc. C'est pas très agréable pour les... Voilà. Donc je ne vais pas vous... J'espère que je ne vous ai pas fait aimer Sarkozy. C'était pas mon objectif. Bon. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Patrick pour cette intervention.